Le mystérieux Mister A. Sénateur Bob Roberts. J'avais l'intention de rédiger une notice philosophique sur le mouvement moustachiste, mais j'ai vérifié mes fiches et c'est pas brillant. Brassens, le caniche, le fou à poil en deux hémistiches. Vercingétorix, il se rasait le pubis. Dupont et Dupont, ils sont cons, c'est des flics. À poil, à poil. Groucho Marx, il s'épilait au stylo bic. La moustache de Dali était quand même plus réaliste. Ok, Freddie Mercury portait le poil mieux que les filles. Mais Jésus, c'était de la triche. Il se donnait un style pour avoir l'air cool et négligé sur les affiches. John Fitzgerald Gandhi, le pacifiste, il avait peur même des steaks et des saucisses. À poil, à poil. La moustache à Staline était un poil de communiste. Quant à celle des nazis, c'est le triomphe du marketing. Tout en camant, on sait pas, sa moustache, elle était un hiéroglyphe. Et celle de Charlie Chaplin sert à camoufler des cicatrices. À la fois Sean Connery pour un vieux noble, il fait viril. Che Guevara, j'en suis sûr, c'est un trucage. Désolé les gars, mais Astérix, c'est Christian Clavier qui porte un postiche. À poil, à poil. Saddam Hussein complice, même s'il a choisi la beubare sur la fin. Quant au Dalton, pour eux c'est un concours de bites. Serge Blanco était moustachu en fin de carrière. Et Victor Lanousse des manteaux pastis. Le fusil sur les genoux, il aime pas tellement les moustachistes. Bob Marley avait pas le temps de se raser entre deux spliffs. Et Georges Moustaki, il a inventé le mot moustachiste. Le moustachisme est-il un activisme ou un simple anachronisme comme le négationnisme? La moustache, est-ce que c'est vraiment un truc de riche? Ça m'étonnerait, j'ai vu des tas de westerns qui se déroulent au Mexique.